Nous pensons que le marxisme-lénisme est une forme du socialisme scientifique. Certains pourraient ajouter une forme russe. Et nous pensons que les différents courants communistes modernes sont également des formes du socialisme scientifique. À partir de là, nous sommes sûrs qu'il est possible, en employant les principes du socialisme scientifique, d'analyser la société sénégalaise d'une manière scientifique et par là aboutir à la conclusion qu'il peut exister un parti au Sénégal se réclamant des positions du socialisme scientifique tout en étant non engagé vis-à-vis des religions et des philosophies. C'est pour ça que nous avons toujours soutenu et nous continuons de le soutenir que le PAI n'est pas une organisation athée et ne le sera pas. Abdoulaye Wade, 5 octobre 1977.